La cité de Dieu de Saint-Augustin, livre 11e, Origine des deux cités. Édition Charpentier 1855, tome 2e. Chapitre 7. De la nature de ces premiers jours qui ont eu, un soir, et un matin, avant la création du soleil. Nos jours ordinaires n'ont leur soir que par le coucher du soleil et leur matin que par son lever. Or, ces trois premiers jours se sont écoulés sans soleil, puisque cet astre ne fut créé que le quatrième jour. Genèse 1, 14. L'Écriture nous dit bien que Dieu créa d'abord la lumière, verset 3, et la sépara des ténèbres, verset 4, qu'il appela la lumière jour, et les ténèbres nuit, verset 5. Mais quelle était cette lumière et par quel mouvement périodique se faisait le soir et le matin? Voilà ce qui échappe à nos sens, et ce que nous devons pourtant croire sans hésiter, malgré l'impossibilité de le comprendre. En effet, ou bien il s'agit d'une lumière corporelle, soit qu'elle réside loin de nos regards, dans les parties supérieures du monde, soit qu'elle ait servi plus tard à allumer le soleil. Ou bien ce mot de lumière signifie la sainte cité composée des anges et des esprits bienheureux dont l'apôtre parle ainsi. La Jérusalem d'en haut, notre mère éternelle dans les cieux. Galates 4, 26. Il dit, en effet, ailleurs, vous êtes tous enfants de lumière et enfants du jour. Nous ne sommes point les fils de la nuit ni des ténèbres. 1 Thessaloniciens 5, 5. Peut-être aussi pourrait-on dire, en quelque façon, que ce jour a son soir et son matin, dans ce sens que la science des créatures est comme un soir en comparaison de celle du Créateur, mais qu'elle devient un jour et un matin, lorsqu'on la rapporte à sa gloire et à son amour, et, pareillement, qu'elle ne penche point vers la nuit, quand on n'abandonne point le Créateur pour s'attacher à la créature. Remarquez enfin que l'Écriture, comptant par ordre ses premiers jours, ne se sert jamais du mot de nuit, car elle ne dit nulle part, il y eut une nuit, mais, du soir et du matin se fit un jour, Genèse 1, 5, et ainsi du second et du suivant. Aussi bien, la connaissance des choses créées, quand on les regarde en elles-mêmes, a moins d'éclat que si on les contemple dans la sagesse de Dieu comme dans l'art qui les a produites, de sorte qu'on peut l'appeler plus convenablement un soir qu'une nuit, et néanmoins, comme je l'ai dit, si on la rapporte à la gloire et à l'amour du Créateur, elle devient en quelque façon un matin. Ainsi envisagée, la connaissance des choses créées constitue le premier jour en tant qu'elle se connaît elle-même, en tant qu'elle a pour objet le firmament, qui a été placé entre les eaux inférieures et supérieures et a été appelé le ciel. C'est le second jour, appliqué à la terre, à la mer et à toutes les plantes qui tiennent à la terre par leurs racines. C'est le troisième jour, aux deux grands astres et aux étoiles. C'est le quatrième jour, à tous les animaux engendrés des eaux, soit qu'ils nagent, soit qu'ils volent, c'est le cinquième jour. Enfin, le sixième jour est constitué par la connaissance de tous les animaux terrestres et de l'homme même. Note. Ce système d'interprétation est plus amplement développé dans un traité spécial de Saint Augustin, le de la Genèse au sens littéral. Voyez surtout les livres 3 et 4. Chapitre 8. Ce qu'il faut entendre par le repos de Dieu après l'œuvre des six jours. Quand l'Écriture dit que Dieu se reposa le septième jour et le sanctifia, Genèse 2, 2 et 3, il ne faut pas entendre cela d'une manière puérile, comme si Dieu s'était lassé à force de travail. Dieu a parlé et l'univers a été fait, Genèse 1, 5. Et cette parole n'est pas sensible et passagère, mais intelligible et éternel. Le repos de Dieu, c'est le repos de ceux qui se reposent en lui, comme la joie d'une maison, c'est la joie de ceux qui se réjouissent dans la maison, bien que ce ne soit pas la maison même qui cause leur joie. Combien donc sera-t-il plus raisonnable d'appeler cette maison joyeuse, si par sa beauté elle inspire de la joie à ceux qui l'habitent? En sorte qu'on l'appelle joyeuse, non seulement par cette façon de parler qui substitue le contenant au contenu, comme quand on dit que les théâtres applaudissent, que les prés mugissent, parce que les hommes applaudissent sur les théâtres et que les bœufs mugissent dans les prés, mais encore par cette figure qui exprime l'effet par la cause, comme quand on dit qu'une lettre est joyeuse, pour marquer la joie qu'elle donne à ceux qui la lisent. Ainsi, lorsque le prophète dit que Dieu s'est reposé, il marque fort bien le repos de ceux qui se reposent en Dieu et dont Dieu même fait le repos. Et cette parole regarde aussi les hommes pour qui les saintes écritures ont été composées. Elle leur promet un repos éternel à la suite des bonnes œuvres que Dieu a opérées en eux et par eux, s'ils s'approchent d'abord de lui par la foi. C'est ce qui a été pareillement figuré par le repos du sabbat que la loi prescrivait à l'ancien peuple de Dieu, et dont je me propose de parler ailleurs plus au long. Note. Sur le sens symbolique du repos de Dieu, voyez le de la Genèse au sens littéral, livre 4 chapitre 8. Chapitre 9. Ce que l'on doit penser de la création des anges, d'après les témoignages de l'Écriture sainte. Puisque j'ai entrepris d'exposer la naissance de la Sainte Cité en commençant par les saints anges, qui en sont la partie la plus considérable, élite glorieuse qui n'a jamais connu les épreuves du pèlerinage d'ici-bas, je vais avec l'aide de Dieu expliquer, autant qu'il me paraîtra convenable, les témoignages divins qui se rapportent à cet objet. Lorsque l'Écriture parle de la création du monde, elle n'énonce pas positivement si les anges ont été créés, ni quand ils l'ont été, mais à moins qu'ils n'aient été passés sous silence, ils sont indiqués, soit par le ciel, quand il est dit « Dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre », soit par la lumière dont je viens de parler. Ce qui me persuade qu'ils n'ont pas été omis dans le divin livre, c'est qu'il est écrit d'une part que Dieu se reposa le septième jour de tous les ouvrages qu'il avait faits, et que, d'autre part, la Genèse commence ainsi. Dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre, ce qui semble dire que Dieu n'avait rien fait auparavant. Puis donc qu'il a commencé par le ciel et la terre, et que la terre, ajoute l'Écriture, était d'abord invisible et désordonnée, la lumière n'étant pas encore faite et les ténèbres couvrant la face de l'abîme, c'est-à-dire le mélange confus des éléments, puisqu'enfin toutes choses ont été successivement ordonnées par une opération qui a duré 6 jours, comment les anges auraient-ils été omis ? Eux qui font une partie si considérable de ces ouvrages dont Dieu se reposa le septième jour? Et cependant il faut convenir que, sans avoir été omis, ils ne sont pas marqués d'une manière claire dans ce passage. Aussi l'Écriture s'en explique-t-elle ailleurs en termes de la plus grande clarté. Dans le cantique des trois jeunes hommes dans la fournaise qui commence ainsi, ouvrage du Seigneur, bénissez tous le Seigneur. Daniel 3:57 et 58, les anges sont nommés immédiatement après, dans le dénombrement de ces ouvrages. Et dans les psaumes, louez le Seigneur dans les cieux, louez le du haut des lieux sublimes. Louez-le, vous tous qui êtes ses anges, louez-le, vous qui êtes ses vertus. Soleil et lune, louez le Seigneur. Étoiles et lumière, louez-le toutes ensemble. Cieux des cieux, louez le Seigneur. et que toutes les eaux qui sont au-dessus des cieux louent son saint nom. Car il a dit, et toutes choses ont été faites. Il a commandé, et elles ont été créées. Psaume 148, 1 à 5. Les anges sont donc évidemment un des ouvrages de Dieu. Le texte divin le déclare, quand après avoir énuméré toutes les choses célestes, il est dit de l'ensemble, Dieu a parlé, et tout a été fait. Osera-t-on prétendre maintenant que la création des anges est postérieure à l'œuvre des six jours? Cette folle hypothèse est confondue par l'Écriture, où Dieu dit, quand les astres ont été créés, tous mes anges m'ont béni à haute voix. Job 38, 7. Les anges étaient donc déjà, quand furent faits les astres. Les astres, il est vrai, n'ont été créés que le quatrième jour. En conclurons-nous que les anges ont été créés le troisième? Nullement, car l'emploi de ce jour est connu. Les eaux furent séparées de la terre. Ces deux éléments reçurent les espèces d'animaux qui leur conviennent, et la terre produisit tout ce qui tient à elle par des racines. Remonterons-nous au second jour? Pas davantage, car en ce jour le firmament fut créé entre les eaux supérieures et inférieures, il reçut le nom de ciel, et ce fut dans son enceinte que les astres furent créés le quatrième jour. Si donc les anges doivent être comptés parmi les ouvrages des six jours, ils sont certainement cette lumière qui est appelée jour et dont l'Écriture marque l'unité. Voyez le texte de la Vulgate, en ne l'appelant pas le premier jour, dies primus, mais un jour, dies unus. Car le second jour, le troisième et les suivants ne sont pas d'autres jours, mais ce jour unique, qui a été ainsi répété pour accomplir le nombre 6 ou le nombre 7, dont l'un figure la connaissance des œuvres de Dieu, et l'autre celle de son repos. En effet, quand Dieu a dit, « Que la lumière soit et la lumière fut », s'il est raisonnable d'entendre par là la création des anges, ils ont été certainement créés participants de la lumière éternelle, qui est la sagesse immuable de Dieu, par qui toutes choses ont été faites, et que nous appelons son Fils unique. Et s'ils ont été éclairés de cette lumière qui les avait créés, ça a été pour devenir eux-mêmes lumière et être appelés jour, par la participation de cette lumière, et de ce jour immuable, qui est le Verbe de Dieu, par qui eux, et toutes choses ont été créées. La vraie lumière qui éclaire tout homme, venant en ce monde. Jean 1, 9, éclaire pareillement tout ange pur, afin qu'il soit lumière, non en soi, mais en Dieu. Aussi tout ange qui s'éloigne de Dieu devient-il impur, comme sont tous ceux qu'on nomine esprits immondes, lorsqu'ils ne sont plus lumière dans le Seigneur, mais ténèbres en eux-mêmes, parce qu'ils sont privés de la participation de la lumière éternelle. En effet, le mal n'est point une substance, mais on a appelé mal la privation du bien. Note. C'est la théorie de toute l'école platonicienne, formulée avec une précision parfaite par Plotin au livre 2 de la troisième Énéade, chapitre 5. Note. Sur le jour unique, dies unus, la plupart des théologiens grecs, d'accord sur ce point avec les philosophes platoniciens, pensent, dit Vivet, que les êtres spirituels ont été créés avant les êtres corporels et qu'ils ont même servi au Créateur, comme ministre, à composer le reste de l'univers. Telle n'est point la doctrine des pères latins. Saint Jérôme est le seul peut-être qui fasse exception, tous les autres, notamment Saint Ambroise, Bède, Cassiodore, enseignent, comme Saint Augustin, que tous les êtres ont été produits à la fois par le Créateur, sentiment qui paraît autorisé avec une force singulière par ce mot de l'Ecclésiastique, 18, 31, Celui qui vit dans l'éternité a créé à la fois toute chose. Saint Basile s'est rangé, en cette occasion, du côté des pères latins. Note. Le cantique des trois jeunes hommes dans la fournaise, Daniel, 3:57 et 58, se trouve dans la partie qui ne nous est parvenue qu'en langue grecque. Voir la Bible crampon. Chapitre 10. De l'immuable et indivisible Trinité, où le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un seul Dieu, en qui la qualité et la substance s'identifient. Il existe un bien, seul simple, seul immuable, qui est Dieu. Par ce bien, tous les autres biens ont été créés, mais ils ne sont point simples, et partant ils sont muables. Quand je dis, en effet, qu'ils ont été créés, j'entends qu'ils ont été faits et non pas engendrés, attendu que ce qui est engendré du bien simple et simple comme lui, est la même chose que lui. Tel est le rapport de Dieu le Père avec Dieu le Fils, qui tous deux ensemble, avec le Saint-Esprit, ne font qu'un seul Dieu, et cet Esprit du Père et du Fils est appelé le Saint-Esprit dans l'Écriture, par appropriation particulière de ce nom. Or, il est autre que le Père et le Fils, parce qu'il n'est ni le Père ni le Fils. Je dis autre, et non autre chose, parce qu'il est, lui aussi, le bien simple, immuable et éternel. Cette Trinité n'est qu'un seul Dieu, qui n'en est pas moins simple pour être une Trinité, car nous ne faisons pas consister la simplicité du bien en ce qu'il serait dans le Père seulement, ou seulement dans le Fils, ou enfin dans le seul Saint-Esprit et nous ne disons pas non plus, comme les Sabelliens, que cette Trinité n'est qu'un nom, qui n'implique aucune subsistance des personnes, mais nous disons que ce bien est simple, parce qu'il est ce qu'il a, sauf la seule réserve de ce qui appartient à chaque personne de la Trinité relativement aux autres. En effet, le Père a un Fils et n'est pourtant pas Fils, le Fils a un Père sans être Père lui-même. Le bien n'est donc ce qu'il a, dans tout ce qui le constitue en soi-même, sans rapport à un autre que soi. Ainsi, comme il est vivant en soi-même et sans relation, il est la vie même qu'il a. La nature de la Trinité est donc appelée une nature simple, par cette raison qu'elle n'a rien qu'elle puisse perdre et qu'elle n'est autre chose que ce qu'elle a. Un vase n'est pas l'eau qu'il contient, ni un corps la couleur qui le colore, ni l'air la lumière ou la chaleur qui l'échauffe ou l'éclaire, ni l'âme la sagesse qui la rend sage. Ces êtres ne sont donc pas simples, puisqu'ils peuvent être privés de ce qu'ils ont, et recevoir d'autres qualités ou habitudes. Il est vrai qu'un corps incorruptible, tel que celui qui est promis aux saints dans la résurrection, ne peut perdre cette qualité, mais cette qualité n'est pas sa substance même. L'incorruptibilité réside tout entière dans chaque partie du corps, sans être plus grande ou plus petite dans l'une que dans l'autre, une partie n'étant pas plus incorruptible que l'autre, au lieu que le corps même est plus grand dans son tout que dans une de ses parties. Le corps n'est pas partout tout entier, tandis que l'incorruptibilité est tout entière partout, elle est dans le doigt, par exemple, comme dans le reste de la main, malgré la différence qu'il y a entre l'étendue de toute la main et celle d'un seul doigt. Ainsi, quoique l'incorruptibilité soit inséparable d'un corps incorruptible, elle n'est pas néanmoins la substance même du corps, et par conséquent le corps n'est pas ce qu'il a, il en est de même de l'âme. Encore qu'elle doive être un jour éternellement sage, elle ne le sera que par la participation de la sagesse immuable, qui n'est pas elle. En effet, quand même l'air ne perdrait jamais la lumière qui est répandue dans toutes ses parties, il ne s'ensuivrait pas pour cela qu'il fût la lumière même, Et ici je n'entends pas dire que l'âme soit un air subtil, ainsi que l'ont cru quelques philosophes, qui n'ont pas pu s'élever à l'idée d'une nature incorporelle. Mais ces choses, dans leur extrême différence, ne laissent pas d'avoir assez de rapport pour qu'il soit permis de dire que l'âme incorporelle est éclairée de la lumière incorporelle de la sagesse de Dieu, qui est parfaitement simple. De la même manière, l'air corporel est éclairé par la lumière corporelle, et que, comme l'air s'obscurcit quand la lumière vient à se retirer car ce qu'on appelle ténèbres n'est autre chose que l'air privé de lumière, l'âme s'obscurcit pareillement, lorsqu'elle est privée de la lumière de la sagesse. Note. Ceci est dirigé contre les manichéens, qui soutenaient que le principe ténébreux est aussi réel et aussi positif que le principe lumineux. Fin de la note. Si donc on appelle simple la nature divine, c'est qu'en elle la qualité n'est autre chose que la substance, en sorte que sa divinité, sa béatitude et sa sagesse ne sont point différentes d'elle-même. L'Écriture, il est vrai, appelle multiple l'esprit de sagesse. 7, 22, mais c'est à cause de la multiplicité des choses qu'il renferme en soi, lesquels néanmoins ne sont que lui-même, et lui seul et toutes ces choses. Il n'y a pas, en effet, plusieurs sagesses, mais une seule, en qui se trouvent ces trésors immenses et infinis où sont les raisons invisibles et immuables de toutes les choses muables et visibles qu'elle a créées. Car Dieu n'a rien fait sans connaissance, ce qui ne pourrait se dire avec justice du moindre artisan. Or, s'il l'a fait tout avec connaissance, il est hors de doute qu'il n'a fait que ce qu'il avait premièrement connu, d'où l'on peut tirer cette conclusion merveilleuse, mais véritable, que nous ne connaîtrions point ce monde, s'il n'était, au lieu qu'il ne pourrait être, si Dieu ne le connaissait. Note. Cette belle et profonde métaphysique, toute pénétrée de Platon, se retrouve dans les Confessions au chapitre 31. Saint Augustin dit à Dieu, « C'est parce que les choses que tu as faites existent que nous les voyons, mais c'est parce que tu les vois qu'elles existent. » Le fidèle voit par l'Esprit de Dieu, et Dieu voit en lui que ses œuvres sont bonnes. Note. Sur la phrase, en début de chapitre, quand je dis, « En effet, qu'ils ont été créés, j'entends qu'ils ont été faits et non pas engendrés. » Monsieur Cesset écrit, la théologie chrétienne distingue sévèrement deux sortes d'opérations. Faire et engendrer. Faire, c'est proprement créer, faire de rien, produire une chose qui auparavant n'existait absolument pas, engendrer, c'est tirer quelque chose de soi-même. Cela posé, il ne faut pas dire que le monde est engendré de Dieu, mais qu'il est créé par lui. Il ne faut pas dire que le Verbe, le Fils, est créé ou fait par le Père, mais qu'il est engendré de lui. Genitum, non factum, consubstantialem patri. Seconde note, sur la Trinité. Il s'agit ici de tous les systèmes qui anéantissent l'égalité des personnes. Nous avons traduit ce passage de Saint Augustin autrement que la plupart des interprètes. Suivant eux, il serait uniquement dirigé contre les Sabelliens. Suivant nous, Saint Augustin écarte tour à tour la théologie arienne et celle de Sabellius, pour se placer avec l'Église à égale distance de l'une et de l'autre. Chapitre 11. Si les anges prévaricateurs ont participé à la béatitude, dont les anges fidèles ont joui, sans interruption depuis qu'ils ont été créés, il suit de là qu'en aucun temps ni d'aucune manière les anges n'ont commencé par être des esprits de ténèbres, dès qu'ils ont été, ils ont été lumière, n'ayant pas été créés pour être ou pour vivre d'une manière quelconque, mais pour vivre sage et heureux. Quelques-uns, Il est vrai, s'étant éloignés de la lumière, n'ont point possédé la vie parfaite, la vie sage et heureuse, qui est essentiellement une vie éternelle accompagnée d'une confiance parfaite en sa propre éternité. Mais ils ont encore la vie raisonnable, tout en l'ayant pleine de folie, et ils ne sauraient la perdre, quand ils le voudraient. Au surplus, qui pourrait déterminer à quel degré ils ont participé à la sagesse avant leur chute, et comment croire qu'ils y aient participé autant que les anges fidèles qui trouvent la perfection de leur bonheur dans la certitude de sa durée? S'il en était de la sorte, les mauvais anges seraient demeurés, eux aussi, éternellement heureux, étant également assurés de leur bonheur. Mais si l'on qu'on suppose une vie, elle ne peut être appelée éternelle, si elle doit avoir une fin. Par conséquent, bien que l'éternité ne suppose pas nécessairement la félicité, témoin le feu d'enfer qui, selon l'Écriture, sera éternel, si une vie ne peut être pleinement et véritablement heureuse qu'elle ne soit éternelle, la vie de ces mauvais anges n'était pas bien heureuse, puisqu'elle devait cesser de l'être, soit qu'il l'ait su, soit qu'il l'ait ignoré. Dans l'un ou l'autre cas, la crainte ou l'erreur s'opposaient à leur parfaite félicité. Et si l'on suppose que, sans être ignorants ou trompés, ils étaient seulement dans le doute sur l'avenir, cela même était incompatible avec la béatitude parfaite que nous attribuons aux bons anges. Quand nous parlons de béatitude, en effet, nous ne restreignons pas tellement l'étendue de ce mot qu'il ne puisse convenir qu'à Dieu seul, et toutefois Dieu seul est heureux en ce sens qu'il ne peut y avoir de béatitude plus grande que la sienne, et celle des anges, appropriée à leur nature, qu'est-elle en comparaison? Chapitre 12. Comparaison de la félicité des justes sur la terre et de celle de nos premiers parents avant le péché. Nous ne bornons même pas la béatitude aux bons anges. Et qui oserait nier que nos premiers parents, avant la chute, n'aient été heureux dans le paradis terrestre, tout en étant incertain de la durée de leur béatitude, qui aurait été éternelle, s'ils n'eussent point péché? Aujourd'hui même, nous n'hésitons point à appeler heureux les bons chrétiens qui, pleins de l'espérance de l'immortalité future, vivent exempts de crimes et de remords, et obtiennent aisément de la miséricorde de Dieu le pardon des fautes attachées à l'humaine fragilité. Et cependant, quelque assurés qu'ils soient du prix de leur persévérance, ils ne le sont pas de leur persévérance même. Qui peut, en effet, se promettre de persévérer jusqu'à la fin, à moins que d'en être assuré par quelque révélation de celui qui, par un juste et mystérieux conseil, ne découvre pas l'avenir à tous, mais qui ne trompe jamais personne. Pour ce qui regarde la satisfaction présente, le premier homme était donc plus heureux dans le paradis que quelque homme de bien que ce soit en cette vie mortelle. Mais quant à l'espérance du bien à venir, quiconque est assuré de jouir un jour de Dieu en la compagnie des anges, est plus heureux, quoi qu'il souffre, que ne l'était le premier homme, incertain de sa chute, dans toute la félicité du paradis. Note. Le sentiment de saint Augustin sur cette matière est plus développé dans un traité express, dont de la persévérance, ainsi que dans le « de la correction et de la grâce ». Mark M. Dan, archive.org, 2019, d'après abbaye-saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial partage à l'identique.